Le clergé, les bois, la liberté. Délibérons enfin, messieurs, dit le président. N'essayons plus de nous persuader les uns les autres. Songeons à la teneur de la note qui, dans 48 heures, sera sous les yeux de nos amis du dehors. Rien de plus facile, ce me semble, que de résumer notre position, dit le jeune évêque d'Agde avec le feu concentré et contraint du fanatisme le plus exalté. De 1806 à 1814, l'Angleterre n'a eu qu'un tort, dit-il. C'est de ne pas agir directement et personnellement sur Napoléon. Aujourd'hui, messieurs, ce n'est plus un homme qu'il faut immoler, c'est Paris. Paris, seul, avec ses journaux et ses salons, a fait le mal, que la nouvelle Babylone périsse. Ce ne fut qu'à 3 heures du matin que Julien sortit avec M. de La Mole. Le marquis était honteux et fatigué. Pour la première fois, en parlant à Julien, il y eut de la prière dans son accent. Il lui demandait sa parole de ne jamais révéler les excès de zèle, ce fut son mot, dont le hasard venait de le rendre témoin. Le lendemain, le marquis conduisit Julien à un château isolé, assez éloigné de Paris. On lui remit un passeport qui portait un nom supposé. Il monta seul dans une calèche. Le marquis craignait fort qu'il ne fût intercepté. Surtout, n'ayez l'air que d'un fat qui voyage pour tuer le temps, lui dit-il avec amitié. Le voyage fut rapide et fort triste. À peine Julien avait-il été hors de la vue du marquis, qu'il avait oublié et la note secrète et la mission pour ne songer qu'au mépris de Mathilde. Julien mit 2 jours à gagner Strasbourg. Il lui semblait qu'il n'avait rien à y faire.